Chapitre 18 de Physiologie du jour de l'an. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Physiologie du jour de l'an, par Louis Couélac. Chapitre 18. Les romanciers. Avez-vous vu un romancier lisant un chapitre de son roman et y trouvant deux fautes d'impression? Il jette au loin le livre vierge encore du contact des mains profanes et s'écrie sur le ton le plus tragique « Maudit compositeur! Pourquoi ai-je donné si facilement mon bon à tirer ?» Cela arrive plus souvent qu'on ne pense. Mais il faut que le romancier dépose toute rancune lorsque le jour de l'an arrive. Il faut qu'il reçoive, le sourire sur les lèvres et la main ouverte, l'apprenti imprimeur qui vient lui demander ses étrennes. L'apprenti imprimeur, vous le connaissez. C'est ce gamin en blouse, à l'œil éveillé, aux pieds lestes, au bonnet de papier posé sur le coin de l'oreille, que vous rencontrez portant des épreuves chez les auteurs, et le plus souvent jouant à la pigoche ou au cheval fondu, devant le château d'eau. Au jour de l'an, l'apprenti prend la liste de toutes les pratiques de l'atelier et va de Frédéric Soulier en Alphonse Brault et d'Alphonse Brault en Roger de Beauvoir. Gardez-vous bien, ô mes chers confrères, de le recevoir avec peu de bienveillance. L'apprenti est le favori de l'atelier. Son injure serait ressentie par tous ses protecteurs. Et pendant toute la durée de l'année, vous seriez accablé de bourdons et de coquilles. Le méchant garnement pourrait bien s'en mêler lui-même et aller fourrer sur les formes des O là où vous auriez mis des A. Et vous savez aussi bien que moi que dans certains cas, cela fait un bien triste effet. Oh, mes chers confrères! Fin du chapitre 18, lu par Ezoie, en Belgique, en janvier 2009.